sans-papiers, c'est la loi. Stop aux arrestations, stop aux expulsions, stop aux centres fermés. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier. Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi. No one is illegal, never. Open your borders, open your eyes. Call for actions on 20th of June 2020, World Refugee Day. Join locally. Corona prevents us from meeting, so we'll spread out instead. Join the transnational solidarity action wherever you are and show that the struggle against racist border policies continues. 2020 has illustrated better than ever before, that in today's world, equal rights for all human beings is still a distant goal. The situation of migrants in most parts of Europe and other parts of the world is shameful. Camps at the external borders of Europe are overcrowded. Camps inside European countries remain. Many migrants are still undocumented, living on the streets. Even in these times, governments ignore the rights of refugees and migrants. By and large, it has been solidarity groups, NGOs, courageous citizens and migrants themselves who have countered the threat of the pandemic. We want to draw attention to the situation of migrants, open the eyes of the wider public and demand practical solidarity, because we absolutely want the situation to stop. It is based on laws and political decisions that definitely can and definitely must be changed. We call for actions on the 20th of June, World Refugee Day. We, who are we? We are anti-racist activists from several European countries who formed the project Coast in Solidarity. Our main aim was to highlight and support struggles of migrants at the closed UK border along the Channel and the North Sea during this summer. We wanted to organize harbor events, spread solidarity ideas and use the sailing vessel Lovis to get more public attention. For obvious reasons, we cancelled those plans. As the conditions for migrants have not improved, we agreed on alternative ways to raise attention and public pressure. More information you can find on coastinsolidarity.noblogs.org. On est arrivé à la deuxième partie de l'émission de mobilisation Côte en solidarité avec deux témoignages. Un témoignage d'une personne en soutien des migrantes et un témoignage d'une personne première concernée qui tous les deux mènent des projets de solidarité concrète, humanitaire et politique en soutien des autres personnes migrantes à Bruxelles, en Belgique. On est ici dans une cuisine mobile à Bruxelles qui donne de l'aide aux migrants au parc Maximilien qui font des distributions, qui faisaient des distributions dans le parc Maximilien avant. Maintenant, je suis ici avec une volontaire qui a travaillé plutôt ici dans la cuisine mobile pendant la période de confinement. On va maintenant donner une description de ce qui s'est passé pendant le confinement ici à Bruxelles et avec les cuisines mobiles à l'aide aux migrants. Ben voilà, salut, bonjour. Donc toi, t'es plutôt commencé ici dans la cuisine mobile

À travers le confinement, tu as lancé toute une campagne aussi avec Migrants Libres, qui est le hashtag « La Belgique aussi peut régulariser les sans-papiers ». Est-ce que tu peux expliquer d'où t'es venue cette idée et qu'est-ce que tu as eu envie de faire passer comme message et qu'est-ce que tu as reçu comme témoignage à travers cette campagne-là? Bah en fait, depuis le début de ce virus, et quand on nous a demandé de tous rester chez nous, dès qu'ils m'ont demandé de « voilà, il y a le confinement et tous les sans-papiers sont restés chez eux », je commence à réfléchir, bah du coup c'est nous qu'on sera vraiment dans le besoin. Tout le monde, il peut se débrouiller parce que les gens, ils peuvent être chez eux, mais ils touchent aussi leur salaire. Ils peuvent aller acheter, même s'ils ne touchent pas leur salaire, bah, je crois qu'ils ont des comptes bancaires, ils ont de l'argent et tout. Nous, on n'a pas de compte bancaire, on n'a pas d'économie, on n'a rien économisé. On vit avec ce qu'on reçoit. Et des fois, les sans-papiers, ils vivent le jour au jour. S'ils sortent la journée, ils gagnent quelque chose, ils vont le manger, ils vont vivre avec. S'ils ne sortent pas, ils vont rester sans rien du tout. Du coup, j'ai trouvé qu'on était ignoré. Le discours politique, il ne parle pas du tout de cette situation, pas du tout de ces gens qui sont dans le pays et ils sont bloqués. Et c'est comme si, voilà, on vous laisse crever. Et quelques jours après, j'ai vu qu'il y avait le Portugal qui a pensé à ces gens et ils ont dit « Non, on ne va pas les laisser comme ça ». Ils ont régularisé même temporairement. Je sais que c'est, les gens ils me disent « Ouais, ne sois pas content, c'est juste temporairement ». Mais moi, je dis « Mais au moins, ils ont offert un truc aux sans-papiers qui sont sur le territoire ». Pour moi, c'est une reconnaissance de leur présence sur le territoire. Du coup, ils peuvent accéder à l'hôpital facilement, ils peuvent aller recevoir de l'aide comme n'importe quel citoyen portugais. Et c'est de là, quelques jours après, j'ai dit, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel parce que j'ai écouté le discours de Madame la Première Ministre et j'ai trouvé qu'il nous a ignorés. Le 31 mars, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait la première vidéo. Que j'ai lancé aussi le hashtag La Belgique peut aussi régulariser les sans-papiers. Et voilà, après un jour ou deux jours après, il y avait plein de messages que j'ai reçus. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces messages, peut-être ceux qui t'ont le plus marqué J'étais surpris de la quantité des messages que j'ai reçus sur mon Facebook et de le nombre qui a augmenté sur la page, le groupe Migrants Libres, parce que j'avais juste 200 personnes, et dans les 200 personnes, c'est des gens que je connais. En fait, c'est mon réseau qui est dans les associations, des amis, des potes sans papier. Mais d'un seul coup, j'étais vers 700, 800 personnes. Maintenant, c'est plus. Maintenant, c'est 2000. Mais je te parle du jour de lendemain que j'ai fait la vidéo. Et les messages, ça a été la plupart des sans-papiers. Et ça m'a surpris parce que c'est des sans-papiers que je ne connais pas, qu'ils ont aimé le message et ils ont dit oui, nous on galère. Et après, il y avait plein de situations différentes. Il y a des jeunes qui habitent avec des amis. Il y a des familles, par exemple, un homme avec sa femme et avec ses deux enfants dans une appart qui paye le loyer, mais maintenant ils ne peuvent plus payer le loyer parce qu'il n'y a plus de travail. Des différentes situations que moi j'étais waouh, ça m'a vraiment frappé. Il y a plein de questions qui sont arrivées et voilà, j'ai dit il faut exploiter ça. Ouais, ça a permis de faire sortir de l'ombre des tas de gens qui étaient en souffrance encore plus à cause de la situation du confinement, quoi. Ça les a fait sortir. En fait, c'est moi dans la coordination, toujours il y avait une question des soutiens. Des fois, je représente quel groupe, parce que normalement la coordination, c'est chaque militant, il représente un groupe des sans-papiers. Mais moi, je dis, je représente aucun groupe, mais à la fois, je représente un groupe des invisibles, des gens qui sont là, mais on les voit pas. C'est des sans-papiers qui travaillent sur le territoire, mais ils ont jamais milité ou ils étaient dans la lumière. Je sais qu'ils sont là, ils habitent avec nous. Ils habitent avec les Belges dans des appartements, ils louent leur loyer, ils arrivent à travailler dans le noir et ils arrivent à avoir de l'argent et ils louent des chambres, des trucs comme ça, mais ils ne veulent jamais se montrer. Des fois, moi, je me représente comme la face cachée de ce mouvement, quoi. Il y a des gens qui habitent, ici on parle toujours de 200 000 sans-papiers, Mais quand on fait une manifestation, on voit que 100, 200 sans-papiers dans la manif. Du coup, ils sont où ces 200 000? Moi, je trouve que ce confinement, il les a fait sortir de leur cachette parce qu'ils galèrent maintenant. Mm. Les enfants qui commencent à lancer des cris, des appels de SOS, quoi, des parents. Il y a des gens que les proprios, maintenant, ils les menacent de les expulser de la maison parce qu'ils ne payent plus les factures et tout ça. Et voilà, la situation a changé d'un seul coup et l'État, il ne bouge pas vers une solution. Normalement, ils aident l'économie. S'ils sont là, alors du coup, il y a un rôle. Et si l'État, il ferme les yeux sur la présence de ces gens qui sont vraiment utiles pour l'État, alors du coup, il y a quelque chose, il y a un profit. Mais pour reconnaître leurs droits, malheureusement, il n'y a pas. Et j'espère qu'ils vont écouter ça et ils vont arrêter même de travailler et arrêter de se cacher et de demander une solution durable. D'ailleurs, vous avez organisé aussi pendant le confinement un rassemblement, une manifestation, non? Oui, en fait, ça c'est après que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages. J'ai entré en contact avec un monsieur que je ne connaissais pas à l'époque, maintenant je le connais. Il m'a ajouté sur son WhatsApp, il m'a envoyé des messages privés et il m'a parlé des groupes qui sont sur WhatsApp. J'ai dit, moi je suis d'accord, je peux rejoindre le groupe et voir qu'est-ce qui se passe, quoi. J'étais sur le premier groupe que j'ai trouvé, il y avait aussi des sans-papiers qui sont sur Migrants Libres, qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Ils m'ont félicité pour le truc et tout ça. Ils m'ont dit, mais maintenant il faut avancer. Je dis oui, moi je suis pour qu'on exploite tous ces voix qui sont sorties de l'ombre et faire quelque chose. Du coup, ils étaient pour une sortie. Ça a été leur point de vue de faire une sortie. Mais ils m'ont demandé de l'organiser. Moi, j'ai dit, ça a été une très grande responsabilité d'organiser une sortie dans ce temps qui est très dur. Et je sais que toutes les sorties, les rassemblements, ils étaient interdits et on risquait des arrestations. Surtout nous, les sans-papiers, on peut être arrêtés, expulsés chez nous. Mais je savais que les frontières, ils sont fermées. Il y avait pas beaucoup de risques de ce côté-là d'être expulsés pour le moment, en fait. Mais bon, j'ai dit, donnez-moi juste un ou deux jours que je commence vraiment à contacter tous les soutiens que je connais. Malheureusement, j'avais pas reçu je parle des soutiens qui sont dans les assos ou dans les syndicats ou quoi que ce soit. J'ai lancé des appels de l'aide. Voilà, j'ai dit, on va mettre un plan, on va sortir, on va aller, on va se manifester et dire que nous, on galère. Tous les gens, ils m'ont tourné le dos, même la coordination, malheureusement. Mais je comprends parce qu'ils avaient peur. Bien sûr. Ils avaient peur de sortir. Ils disent non, c'est une mauvaise idée de sortir maintenant. Moi, j'étais convaincu que cette idée, il est bonne et il fallait le faire. Et ce que j'ai fait, le deuxième jour, j'ai contacté quelques amis personnels, c'est des militants, des activistes. Et j'ai dit voilà, le plan, ça sera qu'on va sortir, on va chercher des masques et chercher des gants. Et on va aller dire aux gens dans le groupe de respecter la distance sociale. De faire plus même que 1,50 m, on va faire 2 m entre chacun, et qu'on va là-bas pour 15 minutes seulement. On va pas faire 2 heures ou 3 heures, on va sortir pour 15-20 minutes maximum. Et on l'a appelé manifestation oculaire, parce que c'est juste aller tirer le signal d'alarme. Il y avait 2 prises de parole, une en flamand et une en français, ce que j'ai fait. Je m'appelle, je l'ai écrit un dimanche. L'après-midi, ça a été un lundi matin, et on a précisé le 20 avril à 11h du matin devant le tour de finances où il y a le bureau de Maggie de Bloch qui est chargé de la migration. Il y avait des médias, on avait contacté beaucoup de médias avec des amis belges que je remercie. Ils ont vraiment, ça c'est du bon soutien, tu vois, les potes activistes qui sont pas précisément dans des assos ou dans des syndicats, eux ils m'ont vraiment soutenu. Ils sont venus là et leur rôle, ça a été de nous protéger le maximum. Heureusement qu'ils étaient là parce que à la fin de la prise de parole, nous, on est partis, mais je ne sais pas, il y avait un mec, un ami, maintenant, qu'on a parlé après tout ça. Je ne le connaissais pas à cette période, qui est resté et s'est filmé. Il est resté et il y avait 3 flics qui s'approchaient de lui pour un contrôle d'identité. Moi, je trouvais ça vraiment débile parce que tout le monde était là, ils pouvaient contrôler tout le monde, mais ils ont choisi juste le dernier mec qui restait sur les lieux. Mais heureusement que tous les soutiens, ils se sont jetés vers lui, ils l'ont sauvé. Lui, il est parti, mais il y avait 6 PV, malheureusement, pour les soutiens. Chose que j'ai trouvé un peu triste parce qu'on pouvait éviter ça. L'action, il pouvait vraiment être à 100% réussite, mais elle était à 90% réussite, mais c'est pas grave. Mais il y a un article, je crois que sur Le Soir, il y a même la vidéo et tout ça. 6 PV, je crois qu'il y avait un ou deux qui étaient au poste. Je me rappelle pas très bien, mais après, ils étaient relâchés, mais je crois qu'ils attendent leurs amendes maintenant. D'accord. Dans le groupe des sans-papiers, on a proposé de l'aide pour, parce que ça a été presque à cause de nous et à cause de ce monsieur qui est pas parti vite fait. On a dit qu'on peut les aider, s'il y a un truc, on peut le faire et on peut aider même avec l'argent. Mais quand j'ai demandé, ils ont refusé carrément, tu vois. C'est ce genre qui soutient à 100% les sans-papiers, ils disent au pire, on va faire un truc et on va rassembler l'argent. Depuis le 20 jusqu'à maintenant, cette action, on en parle encore et on partage des trucs encore. Et les gens, ils ont envoyé beaucoup de choses sur Migrants Libres et beaucoup de félicitations à qu'on avait le courage de sortir et dire et dénoncer notre situation, quoi, dans ce temps de confinement qui est dur. Et je crois qu'on a donné le courage à beaucoup de gens parce que même les syndicats, ils ont décidé de sortir après avec un groupe de sans-papiers le 4 mai. Du coup, on a lancé la campagne, nous, le 20 avril. On a dit, voilà, il faut régulariser les sans-papiers. On a lancé tout le bazar. Et maintenant, il y a plein de soutiens qui, au début, ils pensaient que ça était une mauvaise idée. Maintenant, ils trouvent ça une bonne idée. Et voilà, ils commencent à faire la même chose. Et ils ont pris le courage et ils ont fait une petite sortie le 4 mai pour lancer aussi une campagne. Et voilà, et voilà. Super. Maintenant, nous, avec le groupe, on commence à travailler sur plein de choses. Une idée que on va tourner vers les communes, on va faire des actions pour interpeller les bourgmestres, parce qu'il y avait une commune qui était pour la régularisation, Forêt. Maintenant, il y a plus. Je crois qu'il y a aussi Saint-Gilles et Excel. Traduire en français, en France, c'est des mairies. Donc, il y a des mairies qui se sont positionnées pour la régularisation des sans-papiers depuis cette action. Oui, il y a des mairies qui, comme Forêt, ici à Bruxelles, comme Forêt, on va dire la mairie maintenant. c'est le bourgmestre, c'est peut-être le monsieur le maire. Peut-être, ils ont sorti des mentions. Ils ont dit que oui, ils sont pour la régularisation, mais c'est la partie écolo, je crois, qui gère Forêt. Ici à XL, ça était après l'action kayak. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Non, mais je voulais t'en parler aussi. Je voulais te demander de raconter un peu l'anecdote des actions kayak, le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ouais, l'action kayak, ça a été drôle parce que j'ignorais qu'ils vont faire ça, mais ça a été des amis à moi, le temps d'XL, et je vois un monsieur avec un kayak. Ça était le matin. Et l'après-midi, il y avait le même truc, mais avec le banderole sur le kayak avec un monsieur, et le banderole, il y avait le hashtag La Belgique aussi peut régulariser les sans-papiers. Et j'ai dit, mais ça, c'est notre hashtag, mais comment, mais ça, c'est cool. Et moi, juste spontanément, j'ai écrit ça, c'est du bon soutien. Merci monsieur, et voilà, ça a été comme un héros pour moi et pour le groupe. En fait, c'est la première ministre qui a dit que le kayak était autorisé en pleine période de confinement, en fait, c'est oui. ça ? Et donc ça fait un gros buzz déjà, qu'elles disent que le kayak est autorisé, les gens ont bien rigolé. Et donc ça a amené à ce que pour le soutien de ton lancement hashtag la Belgique aussi peut régulariser les sans-papiers, il y a des gens qui sont sortis avec leur kayak sur les étangs en pleine ville, donc sur des plans d'eau qui sont au cœur de la ville, ils sont sortis avec leur kayak et la banderole, en fait, pour une plus grande visibilité. En fait, ils ont fait une vidéo. La première vidéo que j'ai vue, ça a été juste une vidéo des amateurs, des gens qui étaient dans le parc, qui filmaient, et qui filmaient malheureusement l'arrestation d'un monsieur qui, dans son kayak, il y avait le banderole de l'hashtag. Mm-hmm. En fait, ce que j'ai trouvé un peu bizarre ici, qu'ils n'ont pas arrêté le monsieur qui faisait le kayak sans le banderole, mais le monsieur qui a fait le banderole, oui. Et ça, c'est un peu triste. Et voilà, moi, j'ai vu le lendemain mon ami, c'est lui qui m'a parlé, il m'a dit, ouais, c'est moi qui étais sur le kayak et tout. Il m'a envoyé une vidéo qu'ils ont tournée. Ils ont pris un kayak dans tous les lieux symboliques des migrations. Ils étaient devant le petit château. Le petit château, pour les gens qui connaissent pas, c'est le centre d'accueil ouvert pour les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et ils sont passés à côté du Biguinage. Le Biguinage, c'est une église où il a marqué presque les luttes, les anciennes luttes des sans-papiers. Et la grève de la faim aussi des Afghans et des sans-papiers aussi, il y avait en 2009, je crois. Mm-hmm. Et voilà, ils ont choisi des lieux comme ça, et après ils sont partis faire leur truc avec le kayak. Ça a été un peu drôle, la vidéo circule, elle est sur mes grands livres, elle est sur YouTube, si quelqu'un veut aller la voir. Et donc suite à ça, tu disais qu'après ces actions-là, finalement, la commune, la mairie d'Ixelles, s'est prononcée aussi en faveur de la régularisation des sans-papiers. Oui, ça a eu son petit impact. Un ami m'a envoyé que Saint-Gilles aussi, il a parlé, qu'il y a une mention de peut-être qu'il faut régulariser les sans-papiers. Ixelles aussi, il est favorable. Maintenant, ça reste que les autres mairies ou les autres communes aussi se décident à sortir de leur silence. Après le déconfinement, puisque je pense qu'en Belgique, vous y êtes aussi comme nous en France, là. Ouais. Quelles autres actions tu envisages pour ce combat de la régularisation pour tous? Pour le moment, je suis sur plein d'idées, mais la plus grande, c'est que j'ai une envie que toute l'Europe, où il y a tous les sans-papiers dans tous les pays européens, qu'ils font une seule sortie, un seul jour. J'espère aussi, si c'est possible, avec la même heure, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave, mais ça sera peut-être la même journée. Que ça sera au niveau européen, tous les sans-papiers, ils revendiquent leurs droits ici sur le territoire. Parce qu'on a vécu le Covid ici, on le vit encore, c'est pas encore fini. Et on est enfermés. Et les frontières, ils sont fermés et on ne bouge pas. Parce que des fois, l'excuse des gouvernements, ça était on ne sait pas, est-ce que tu étais sur le territoire depuis tel temps, je ne sais pas quoi. Là, maintenant, ils sont sûrs et certains que nous, on est là, on ne sort pas de leur territoire, on est bloqué, on vit ici et on est en train de mourir aussi. Il y a plein de sans-papiers qui sont touchés aussi par le Covid. Dans les centres fermés, malheureusement, il y avait vraiment des gens qui sont touchés par les... Et du coup, il faut réfléchir, il faut penser à régulariser ces gens qui sont dans cette période définitivement, parce qu'on a galéré, on galère déjà avant et tout, et on a galéré dans cette période, on n'avait aucun aide, à part l'aide des gens, des citoyens qui aident un peu avec la nourriture ou des colis alimentaires. À part ça, l'aide de l'État, il n'y a pas. Que je veux qu'on fasse que tout le monde sort dans les villes avec les soutiens et que ça soit médiatisé, que notre voix soit entendue et que cette situation s'arrête une fois pour toutes, qu'on n'entend plus parler une fois qu'il y a un sans-papier. Le mot sans-papier, déjà pour moi, il n'a pas de sens. On est des êtres humains et on a tous des identités. On est né quelque part, on a notre passeport, on a une identité. C'est humiliant de dire toi tu es sans-papier. C'est comme des fois les gens, ils te prennent comme quelqu'un qui est invisible, qui est transparent, que t'as pas une identité. Et c'est malheureux, les gens ils comprennent pas que nous, on a une identité, on a tous les papiers qu'il faut. C'est juste que les gens ici, tu dois avoir la carte de séjour pour commencer à vivre et qu'ils te le donnent pas. Et cet accès à cette carte de séjour, elle est très difficile. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je crois que c'est parce que les gouvernements, ils profitent de la main-d'œuvre moins chère ou quoi que ce soit. Parce que moi, toujours, je lis la question à l'économie, quoi. Parce que je ne trouve pas de raison pourquoi ils ne laissent pas les gens vivre librement, à part s'il y a des profits économiques, si tu le laisses comme ça galérer, quoi. Et voilà. Ouais, super. Merci beaucoup, hein, Rabia. De rien, merci à vous. Pour tout ton témoignage. Qui veulent accueillir leurs frères, à ceux qui veulent garder ouvertes leurs frontières, à ceux qui tendent la main tout en jetant la pierre. Liberté de circuler, interdit de spéculer, ne plus laisser victime faire. Capital, victime du libéral, pays colonisé, peuple oppressé, dictature financière, vol des matières premières, dictateur financé, révolution étouffée, oppression politique pour intérêt économique, espoir d'ailleurs meilleur, de vivre sans la peur, en quête de liberté, au pays des richesses volées, poussé à s'en aller, poussé à tout quitter. Ce sont nos égoïsmes qui nourrissent leur enfer, ce sont nos peurs de l'autre qui les emmènent au cimetière. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos barrières, mais leur survie s'arrête là où commencent nos frontières. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes.

Ça bouge un peu devant. Nous le faisons parce que nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas qu'une loi écrite. C'est une loi écrite dans le cœur. Donc, des personnes en mer, on n'en laisse pas. Jamais. Si j'avais ignoré ces appels au secours, je n'aurais jamais eu le courage de reprendre la mer. Aucun marin ne serait rentré au port sans avoir la certitude d'avoir sauvé ses vies. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé au fait que j'allais peut-être finir en prison quand j'ai vu ce canot à la dérive. Mais je savais que ma mauvaise conscience serait pire que la prison. Ils peuvent faire tous les décrets de sécurité qu'ils veulent, mettre toutes les sanctions possibles et imaginables, nous saisir le bateau. J'aurais été hanté jusqu'à ma mort par ces cris désespérés. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes que dignement pêcheurs. Nous n'avons rien d'autre, mais nous resterons dignement des êtres humains. Marseille, cette mer est un cimetière. On se garde bien de nous en parler, si ce n'est sous le mode de la crise et de la peur. Il est donc nécessaire de faire porter notre voix au-dessus de celle des dirigeants pour qui la solidarité est un délit et l'insécurité une solution. En 2018, 6 personnes sont mortes chaque jour en essayant de traverser la mer Méditerranée. L'Europe fait tout pour empêcher le sauvetage des migrants par les ONG. Rappelons que nous sommes là, que le sauvetage en mer est inconditionnel, que nous sommes prêts à ouvrir nos portes et nos ports comme d'autres l'ont déjà fait. Ouvrez les ports, ouvrez les frontières, oh les personnes en mer, ouvrez les ports, ouvrez les frontières, oh les personnes en mer. Comme le diraient les dockers de Gênes, nous ne pouvons nous reconnaître que dans les valeurs fondatrices du mouvement ouvrier. Fraternité entre les êtres humains, solidarité internationale. Partageons-le et crions-le ensemble entre terre et mer. Sur nos côtes, dès lors qu'une personne est en péril sur l'eau, tous les moyens sont mis en œuvre pour lui porter assistance. Les navires sur zone sont sollicités par VHF, les embarcations sont mises à l'eau, l'hélicoptère de la sécurité civile est mis à contribution. C'est le branle-bas de combat. Comment imaginer alors que sur d'autres zones, toutes proches, quand des centaines de personnes sont en train de mourir en mer, les services de sauvetage d'État n'interviennent pas. Et pire, l'assistance des bateaux de pêche ou de commerce ou de sauvetage affrété par les ONG est criminalisée. Ce monde, ses frontières, ses polices, ce monde qui n'est pas le nôtre et qui est à réimaginer sur la mer comme ailleurs. Watch the Met Alarm Phone, assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée. C'est pas un sauvetage, mais une alarme. En 5 ans, le projet Alarm Phone a accompagné et soutenu près de 3000 bateaux. Ils continueront avec leur ligne d'assistance téléphonique jusqu'à ce que les morts en mer prennent fin. Avec leur travail, ils envisageront à créer des corridors de solidarité concrète. Ils se battront pour le droit à la liberté de mouvement et pour l'égalité des droits de tous les habitants de cette planète. Comptez-vous traverser la Méditerranée en bateau via l'une de ces routes? En cas d'urgence avec le bateau ou avec les personnes à bord, appelez les gardes-côtes du pays que vous rejoignez. Vous pouvez trouver les numéros ici. Après avoir contacté les gardes-côtes, appelez le numéro d'alarme faune. Plus 33 4 8 6 5 1 7 1 6 1. Nous n'avons pas de bateau ou d'hélicoptère pour venir au secours. mais nous avons les connaissances et la capacité à mettre la pression aux gardes-côtes et aux autorités nationales pour qu'ils vous viennent en aide. Vous pouvez joindre Alarm Phone à n'importe quel moment, nuit et jour. Si possible, parlez-nous en français ou en anglais, mais nous avons des interprètes vers d'autres langues si nécessaire. Lorsque vous nous appelez, il est très important que vous nous donniez d'abord votre position et que vous décriviez votre situation. Les smartphones avec GPS ou les téléphones satellites affichent cette position. Apprenez s'il vous plaît à lire les positions GPS. Si vous n'avez ni smartphone ni téléphone satellite, il est important de noter précisément l'heure et le lieu de votre départ et de chercher des points remarquables en mer comme des îles, des bateaux ou des plateformes pétrolières. Pouvez-vous décrire votre bateau, le type, la taille et la couleur? Quel est son état? A-t-il des fuites? Combien de personnes sont à bord? Combien y a-t-il d'hommes? Combien y a-t-il de femmes? Combien y a-t-il d'enfants? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide médicale? Nous allons informer les gardes-côtes et surveiller les opérations de secours. Nous allons rester en contact avec vous. Nous sommes Watch the Med Alarm Phone, un réseau transnational de personnes qui luttent contre le régime européen des frontières. Nous exigeons des passages en sécurité vers l'Europe et la liberté de circulation pour tout le monde. Merci de noter que ce numéro n'est pas un numéro de sauvetage, mais un numéro d'alerte pour appuyer les opérations de secours en mer Méditerranée. Malheureusement, plusieurs actes ou actions qui sont de solidarité et aide aux migrants sont souvent criminalisés par l'État et forcent l'Europe. Mais il y a tout un mouvement pour annoncer que la solidarité n'est pas un crime. Il y a eu aussi des cas, des procès contre les gens qui ont montré la solidarité pour des personnes migrantes en passage en Belgique. Mais il y a aussi beaucoup plus d'autres qui ont des peines pour faire l'aide aux mers méditerranéennes et ailleurs. Je vais vous dire, il faut continuer à créer des projets de solidarité et montrer le soutien parce que la solidarité n'est donc pas un crime et il faut lutter contre la criminalisation des migrants et des personnes qui les soutiennent. En Belgique, il y a une organisation qui a été créée pour tenir des gens qui ont été mis en procès et vous pouvez trouver ce site aussi sur coastinsolidarity.noblogs.org. Mais voici, je vous donne déjà l'adresse, c'est solidarityisnotacrime.org. Le collectif Solidarity is not a crime en Belgique s'inscrit dans un mouvement d'indignation générale et dans une volonté de mobilisation collective de refuser tout acte visant à criminaliser la solidarité citoyenne. Ce collectif s'engage à soutenir toute personne, quelle que soit son origine et ou sa situation administrative, étant poursuivie pour des faits de solidarité et de protection des valeurs fondamentales. Ce devrait être à l'État d'être incriminé pour non-respect de ses obligations et non pas aux 7 citoyens qui ne font que répondre aux carences du gouvernement en matière migratoire. La solidarité, la générosité et l'empathie sont des valeurs universelles qui ne devraient en aucun cas être punies de peine de prison. Le droit pénal ne peut pas servir à intimider les citoyennes solidaires, encore moins à permettre au gouvernement de poursuivre celles et ceux qui contestent sa politique. Et donc, il y a plusieurs associations qui défendent la solidarité n'est pas un crime en Suisse, en France et dans plein d'autres pays. Et au niveau international, plutôt aussi en anglais, il y a aussi des conférences qui sont sous le nom Solidarity is not a crime, Refugee Solidarity Summit, grosse ONG comme Amnesty International et d'autres.